Et en parlant de personnes qui ont aussi bien bossé avant et que j'ai pu voir de mes yeux vus, nous accueillons maintenant Marie Vachette. Bonjour. Pour le meilleur horoscope de ta vie. Jingle. Aujourd'hui, mercredi 17 avril 2024, troisième jour de la 16e semaine de l'année, sixième jour du festival, troisième jour du meilleur horoscope de ta vie. L'horoscope qui te rend maître de ta destinée et qui répond à toutes tes questions d'organisation. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Anicette. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est le moment de lui fêter sa fête. Vous pouvez par exemple lui envoyer un SMS. Et donc, aujourd'hui, il est né le même jour, mais pas la même année que Jacques Chirac. Il est né le 29 novembre 1975. Il est donc Sagittaire et c'est ce signe que nous allons explorer aujourd'hui. L'ambiance astrale pour toi, Sagittaire, est très intéressante. Avec la conjonction Jupiter-Uranus, sextile à la Lune, tu peux t'attendre à de bonnes surprises. Une opportunité inattendue pourrait bien bousculer ta routine habituelle. L'équinoxe apporte une brise de changement constructif. Les configurations astrales telles que Jupiter en taureau favorisent une croissance tangible dans tes affaires personnelles et professionnelles. Uranus en taureau stimule l'innovation et t'invite à repenser tes méthodes et à adopter des stratégies audacieuses. Aujourd'hui, Sagittaire, tu te sens l'âme d'un explorateur. L'âme d'un aventurier des objets perdus et du temps retrouvé. Tu vas entendre des choses aujourd'hui, des choses et des objets inattendus. Mille choses oubliées et minutieusement recyclées pour tes oreilles. Et à la tombée de la nuit, c'est avec les oiseaux que tu risques de t'envoler loin, très loin, et de planer jusqu'à demain. Pour finir, je voudrais citer un écrivain que j'aime bien. Il écrit à sa chère petite maman le 26 août 1901. Il écrit comme tout un chacun, et c'est ça qui me fait du bien. Page 172 des correspondances de Marcel Proust, édition 10-18. Je cite « Aujourd'hui, je vais très bien et regrette de t'écrire si sommairement. Merci Marcel et à demain. » Merci Marcel, merci Marie, merci pour toutes ces belles informations sur la météo astrale du jour. Et si vous ne l'avez pas encore fait ou que vous ne le faites pas régulièrement, écrivez à vos mamans. C'est, voilà, ça fait toujours plaisir. Pour de vrai, c'est pas sarcastique.